J'ai fait le tour de la terre, je l'ai vu la vraie misère. Je pensais connaître la misère. J'ai quitté la France mais je l'aime. C'est elle qui me parle que de haine. Ils interdisent le hijab, de la justice sans misaine. Y'en a qui attendent le dégel, alors que la terre elle dégèle. Faut que je bois l'eau de zemzem avant le dernier zenzel. Mais nique sa mère le Jack Daniel, nique sa mère le cannabis. C'est à cause d'eux que j'ai pas percé comme un vrai numéro 10. J'te souhaite d'être libre comme moi, j'te souhaite d'être libre comme l'air. D'aller en haut de la montagne et de leur dire de niquer leur mère. Je paye le fisc en euros, j'combats la haisse en dirham. Ils prennent pour les fils du capot, après les premiers ligrammes. Salam à tous les Rachel, salam à toutes les Rachel. J'ai vu des mères jouer les pères parce que monsieur s'est fait la belle. Si j'ai piraté ton compte, c'est que j'ai piraté le sien. J'en sais beaucoup sur ton compte, laisse-moi régler les miens. Subliminal dans mes textes, depuis mes premiers morceaux. J'ai fini plus d'une conquête, ils taffent encore les dorsaux. Ils taffent les bras et les pecs, j'm'en bats les couilles de la pochette. J'm'en bats les couilles du pecli, j'donnerai jamais la recette. Et ceux qui savent ils respectent, et j'les respecte parce qu'ils savent. On craint jamais la défaite, quand on a le sang des braves. Aucun remède, trop de fils de pute dans le périmètre. Même si l'ennemi est intérimaire, aucun conflit ne sera entériné. Niquer des mères, c'est le créneau, et ça depuis phénoménal. Niquer des mères, c'est le créneau, et ça depuis phénoménal. Toujours au top, mais tu suces, j'préfère être disqualifié. Ils ont le mental pour le showbiz, machin à la qualité. Pourtant, j't'ai serré la main, accepter qu'on soit égaux. Mais comme les vieux du village, t'es prêt à marcher en vélo. J'ai fini le jeu qui sont ces petits, maintenant je m'ennuie, ouais. Ça fait des mois que je n'achète plus rien, que je ne sors plus la nuit, ouais. Tu me parles de carrière, apprends à vivre, j'apprends à mourir, ouais. Je n'ai jamais donné un gramme de mon âme pour me nourrir, ouais.